On continue hein, pour votre rendez-vous hebdomadaire pour l'astrologie chinoise. Alors la fin janvier arrive avec des opportunités pour les uns, des défis pour les autres, que ce soit pour le relationnel, que ce soit pour le travail ou la santé. Cette semaine promet une belle diversité quand même d'énergie. Attention aux petites tensions et aussi réservez-vous des moments de bien-être. Allez hop, suivez le guide, on est parti pour nos amis rats. Alors au niveau travail, au niveau professionnel, vous pourriez recevoir une proposition intéressante suite à un projet que vous aviez proposé et que vous aviez en tête. Ça se concrétise cette semaine, c'est assez intéressant. Ça prend une belle tournure. Si vous êtes en recherche d'emploi, cela pourrait être un bon moment pour un entretien, pour une prise de contact. Côté amour, il y a des échanges amoureux qui sont empreints de douceur, mais attention à ne pas laisser les non-dits s'accumuler, oser dire ce qui vous tient à cœur. Les petites mises au point pourraient être nécessaires pour éviter tout malentendu. Au niveau de votre santé, c'est une énergie assez bonne, c'est une santé assez bonne, mais pensez à pas trop vous épuiser sur le plan mental. Une petite pause ne vous fera pas de mal. Alors prenez le temps hein, pour vous ressourcer. Pourquoi pas une promenade en plein air qui vous redonnera un petit peu de vitalité. Pour nos amis buffles, c'est une semaine de travail intense, mais la persévérance du buffle commence enfin à payer. Une proposition intéressante pourrait arriver, peut-être même une hausse de vos revenus avec une petite prime à la clé. Côté amour, côté cœur, vous êtes plus dans l'action cette semaine. Vous n'hésitez pas à faire des avances et à manifester votre intérêt pour la personne de votre choix. Si vous êtes en couple, vous cherchez des moments de complicité, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Côté santé, faites attention tout de même à vos articulations. On sait que vous êtes fragile à ce niveau-là et cette semaine, vos articulations vont vous dire aïe aïe aïe, vas-y doucement. Surtout si vous êtes amené à faire des efforts physiques, une petite douleur pourrait survenir. Prenez le temps de respirer profondément lors des moments de stress pour éviter toute tension inutile. Pour nos amis tigres, c'est une semaine de calme côté travail, voire vous ressentez une légère lassitude. Le temps semble s'étirer, en effet, et vous pourriez avoir l'impression de stagner. Restez tout de même concentré, amis tigres, des opportunités se profilent à l'horizon à moyen terme. Amis tigres, côté amour, cette semaine, vous êtes côté amoureux plus tranquille. Si vous êtes en couple, cela pourrait être une semaine où des petites tensions d'avance se dissipe et puis si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui pourrait survenir, mais ça ne sera pas le coup de foudre. Restez vigilant au niveau santé sur les petites infections, une petite grippe passagère pourrait vous perturber. Évitez de vous épuiser, amis tigres, vous avez besoin de calme dans ces moments-là. Pourquoi ne pas opter pour une activité douce comme la lecture ou un film en mode cocooning sous la couette. Nos amis lapins, attention aux imprévus qui pourraient arriver au travail. Vous pourriez être confronté à du changement qui ne vous plaira pas forcément. Changement de structure, changement de supérieur, changement de binôme, changement de collègue. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous agacer. Canalisez-vous, tenez-vous prêt. Ne vous laissez pas perturber par ces petits changements. Restez flexible et la situation se stabilisera. En amour, une ancienne relation pourrait refaire surface, ce qui pourrait mettre un peu de confusion dans vos sentiments. Prenez du recul, bien sûr, afin de ne pas vous précipiter dans une décision que vous risqueriez de regretter. Cette semaine, pour vous, risque d'être un peu stressante. Est-ce que c'est le retour de cette personne du passé ou est-ce que c'est cette tension, ce changement qui vous a perturbé au travail ? Il va falloir vous concentrer sur votre sommeil parce que chez vous, c'est réparateur. Prenez des techniques de relaxation avant de vous endormir si vous avez du mal. Laissez vos pensées se poser en faisant une activité relaxante avant d'aller vous coucher. Posez votre écran et oubliez-le. Amis dragons, excellente semaine pour tes finances. Un bonus ou un gain inattendu va améliorer ton compte. Ton banquier va te dire merci. Au travail, c'est le moment de reprendre des projets en main ou de relancer des idées que tu avais mis de côté. En amour, ami dragon, vous êtes dans une période d'affirmation. Je sais ce que je veux. Vous cherchez à être rassuré aussi dans vos relations et vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de vous poser dans une belle complicité. Vous vous projetez sur des moments avec l'élu de votre cœur. Alors vous êtes plutôt en forme côté santé, ami dragon, mais une petite attention est à porter sur le problème digestif. Peut-être relents des fêtes vous ont trop pesé. Eh bien, peut-être que là, vous allez entamer une petite diète histoire de nettoyer ou de soulager votre ventre. N'hésitez pas à vous faire un petit dîner léger, mais surprise et sympathique, et pourquoi pas avec l'élu de votre cœur. Ami serpent, votre esprit inventif est particulièrement brillant cette semaine. Des idées novatrices pourraient voir le jour et vous permettre de vous distinguer dans votre domaine. Si vous avez un projet personnel, c'est le moment de le faire connaître, notamment sur les réseaux. On voit que vous êtes attiré par ce domaine-là. Faites-vous plaisir et jouez la star, vous avez raison. Côté cœur, vous pourriez ressentir une certaine distance avec votre partenaire. Cela pourrait être l'occasion de discuter ouvertement de ce qui pourrait aller ou ce que l'on pourrait améliorer dans la relation. Une discussion sincère, souvent, vaut mieux que chacun dans son coin. Si vous êtes seul, ami serpent, si vous êtes célibataire, oui, vous matchez pour certaines personnes en amour, mais on voit que le contact ne se fait pas. Patience, patience, changez de technique, peut-être que cela vient de ça. Comme je vous le disais cette semaine, n'hésitez pas à partager vos idées sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver une audience pour votre sujet, pour cette idée novatrice dont je vous ai parlé. Ami cheval, nos chevaux pourraient faire face à un dilemme au niveau du travail. Des propositions ou des changements se profilent et vous aurez besoin de temps pour réfléchir à ces propositions avant de vous engager. Ne prenez pas de décision hâtive. Côté cœur, vous pourriez sentir le besoin de rester plus tranquille, plus de votre côté, loin de l'agitation. Vous cherchez à vous poser au niveau sentimental. Et si vous êtes en couple, il y aura des discussions profondes qui peuvent avoir lieu et qui vont vous rassurer. Côté santé, prenez le temps de faire un petit exercice, même léger, histoire d'évacuer le stress quotidien. Pourquoi pas ne pas poser le véhicule et prendre votre vélo et vous rendre à vélo au travail, s'il n'y a pas une trop longue distance, bien sûr. Ami chèvre, en milieu de semaine, une nouvelle pourrait survenir sur le plan professionnel. Peut-être un projet qui avance ou une reconnaissance de votre travail. Vous êtes méritant et on va vous le faire savoir. Les finances sont stables et vous avez l'impression que l'effort commence à porter ses fruits. En amour, des moments conviviaux sont à prévoir au niveau familial, conjugal, voire même amical. Si vous êtes en couple, un week-end détente en tête-à-tête sans les enfants pourrait vraiment vous être favorable. Niveau santé, ami buffle, votre énergie est au beau fixe. Les moments de stress sont derrière vous. Vous avez adopté une routine qui vous réussit. Nos amis singes, une semaine très solide vous arrive. Des opportunités professionnelles pourraient surgir par l'intermédiaire de contacts, de réseautage ou d'anciens collègues, voire d'anciens amis collègues. Vos idées sont brillantes, mais attention à ne pas vous disperser. Terminez bien vos plans un par un pour ne pas vous laisser déborder. En amour, vous ressentez une grande envie de partager des moments avec vos proches, avec l'amour de votre vie, avec votre famille. Vous êtes célibataire, une rencontre pourrait survenir lors d'un événement social. Côté santé, c'est une semaine sans grand souci, tout va bien, ami singe. Profitez-en pour organiser un week-end en famille pour les prochaines vacances. On voit que vous en avez besoin. Ami Coq, on voit se profiler à l'horizon un petit problème d'ordre, d'un petit contretemps administratif. Vous risquez d'oublier un dossier important et d'avoir une complication dans l'avenir. Vos démarches n'ont pas abouti, il va falloir récidiver. Prenez un moment hein, pour trier vos documents et pourquoi ne pas investir dans un classeur? C'est le moment idéal, le début de l'année, pour trier ses papiers et ouvrir un nouveau classeur pour la nouvelle année qui arrive. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a des petites tensions, vous avez du mal à supporter les petites habitudes de l'un. Et l'autre, pareil, a du mal à s'habituer à vos petites habitudes. Et si vous êtes seul, une rencontre pourrait être plus surprenante qu'inattendue. Ami Coq, prenez soin de vos oreilles cette semaine, vous êtes fragile. Surtout si vous sortez beaucoup marcher par ce froid avec le vent de l'hiver. Ami Chien, vous pourriez cette semaine vous sentir un petit peu débordé. Mais votre sens de l'organisation vous permettra de vraiment tout gérer. Avec du calme, avec de l'organisation, ça sera beaucoup plus fluide. Prenez garde à ne pas non plus vous surcharger inutilement. Priorisez ce que vous devez faire. Côté amour, vous avez envie d'intimité, vous avez envie de douceur. Les chiens qui seront en couple profiteront d'une belle harmonie avec leur partenaire. Et puis, les célibataires, quant à eux, pourraient entamer de nouvelles discussions intéressantes sur les réseaux en ligne faits pour cela. Et puis, au niveau santé, vous pourriez ressentir une légère baisse de vitalité ou d'énergie. Prenez le temps de souffler et n'oubliez pas de reprendre vos habitudes d'alimentation équilibrée. Ami cochon, une petite réussite professionnelle pourrait vous redonner de la confiance en vous si vous travaillez sur un petit projet. C'est le moment, hein, de mettre en avant car vos efforts assurément seront récompensés plus tard. Côté cœur, vous êtes assez démonstratif. Cette semaine, il y a une belle énergie amoureuse qui se manifeste. Vous avez envie de glorifier l'amour. Et puis pour les célibataires, il y a des opportunités de faire des rencontres assez marquantes. Pour votre santé, ami cochon, arrêtez d'abuser des bonnes choses. Oui, c'est de la chandeleur, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout repas crêpes pendant toute la semaine de la chandeleur. Soyez raisonnable, ami cochon. Voilà les amis, c'est un mélange cette semaine hein, d'opportunités, de mise en garde, de moments doux à partager. Prenez soin de vous, écoutez vos envies et restez à l'écoute des petits détails de votre quotidien. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À la semaine prochaine pour votre astrologie chinoise hebdomadaire. Tchuss, tchuss!